Exercice 7, page 124. A. Marseille est une belle ville. B. Séville est une vieille ville. C. Le lundi, c'est ratatouille. D. Ce millefeuille est bien meilleur. E. Liliane? Elle est à Versailles. F. Leïla? Elle est à l'accueil.